La commode par Maurice Level. C'était une commode Louis XV. La poussière avait terni son bois. L'humidité répandu sur ses ciselures une buée tenace. À racler le carrelage des boutiques, ses pieds s'étaient usés et des taches de sucre, de maculature d'huile, rendaient son marbre pauvre et rugueux au toucher. Malgré ce déguisement misérable, M. Loust la remarqua tout de suite. Pour ne point éveiller l'attention de l'antiquaire, il marchanda le chiffonnier voisin et se contenta de jeter négligemment au passage « Gentil, ce machin-là !» Mais il revint le lendemain, l'examina de face, de profil, s'assura de son authenticité et s'enquit du prix. Au dîner, il conta sa découverte. Un pur bijou. Du Louis XV assagi, sans débauche de cuivre ni hardiesse d'ornementation. Des chicorées à peine indiquées, des chutes de culots et de fleurs discrètes, presque timides. En un mot, de sous Louis XV qui fait pressentir les lignes calmes du Louis XVI. Le marchand n'en comprend pas la valeur. Il en demande 1800. On l'aurait pour 15, une bouchée de pain. Il répéta deux fois la dernière phrase avec insistance. « Achète-la, » conseilla Madame Loust. Il ouvrait la bouche pour répondre que c'était bien son intention, quand Madame Choupeau-Landuit, sa belle-mère, susurra entre les dents. « Peste, comme vous y allez !» Monsieur Loust rougit. Bien qu'elle protestât que, pour rien au monde, elle ne se mêlerait des affaires de ses enfants, Madame Choupeau-Landuit avait, dès qu'il s'agissait des questions d'argent, une façon d'élever jusqu'à son nez son face à main d'écaille en faisant miroiter ses bagues, qui établissait d'une façon péremptoire la supériorité de sa fortune et la suprématie qu'elle lui conférait. Cependant, surmontant son trouble, M. Loust continua de commenter la merveille. Madame Choupeau-Landuit, froissée de cette insistance, se retira. Son gendre la reconduisit jusqu'à sa porte, attendit qu'elle fût entrée sous la voûte et regagna sa demeure. « La nuit, dit le proverbe, porte conseil. » Mais il ne précise pas si ce conseil est toujours bon. Le lendemain, incapable de supporter la pensée qu'un tel meuble passa en d'autres mains que les siennes, M. Loust s'éveilla à peu près décidé à l'acheter. Seulement, le sourire pincé de sa belle-mère faisait hésiter sa volonté. Il s'ouvrit de ses perplexités à sa femme. Elle approuva ses désirs et partagea ses craintes. « Si tu n'avais pas dit le prix, encore, mais maintenant !» M. Loust convint que c'était une fausse manœuvre regrettable, et demeura pensif. Puis, s'arrachant à sa méditation, la parole abondante, le geste facile, il exposa sa façon de voir. Renoncer à ce meuble était une folie à laquelle il ne voulait même pas songer. L'acheter sans l'assentiment de sa belle-mère en était une autre qu'il n'envisageait pas davantage. Mais, entre ces solutions extrêmes, une solution moyenne, élégante, pratique, venait de surgir dans son esprit. Les parents, si cruelle que soit cette constatation, ne sont pas faits pour survivre à leurs enfants. C'est la loi de la nature. Dès lors, pourquoi ne pas acheter ce meuble et l'offrir à Madame Choupeau-Landuit? Justement, sa fête approchait. « Tant que ta mère vivra, conclut-il, elle aurait ainsi la satisfaction de contempler ce meuble, de s'en servir, et après elle, ma foi, il ne reviendrait de droit. Ça n'avancera pas sa fin d'une seconde. » Le raisonnement était séduisant. Madame Loust en goûta la scène logique, et deux heures plus tard, M. Loust acquérait la commode. En la recevant, Madame Choupeau-Landuit manifesta une joie sans mélange. « C'est une merveille, un délice » s'exclama-t-elle, armée de son face-à-main. « Vous me gâtez trop, vous faites des folies, mes enfants. »« Laissez donc, maman, laissez donc, » répliqua M. Loust. « Nous sommes trop heureux de vous procurer ce plaisir. » « Comme les gens sont bizarres, » observait-il, lorsque, de retour chez lui, il se trouva en tête-à-tête avec sa femme. « Si j'avais acheté ce meuble pour moi, que n'aurait-elle pas dit? Je l'achète pour elle, elle trouve ça tout simple. »« Elle est comme toutes les personnes âgées, » expliqua Madame Loust. « C'est vrai, » reconnut M. Loust. « Elle est âgée, très âgée. » Et sa figure s'épanouit. Quelques mois s'écoulèrent. M. Loust n'oubliait pas sa commode. Parfois, assis dans le salon, regardant une place entre deux fenêtres, il se laissait aller à penser tout haut. « Crois-tu qu'elle ferait bien ici ?» Ensuite, il abandonna le conditionnel pour rêver au futur, corrigeant d'ailleurs ce que sa réflexion offrait de cruel par une petite incidente. « Après ça, je ne suis pas pressé. » À l'anniversaire suivant, par diplomatie autant que par politesse, il dut offrir à sa belle-mère un cadeau de prix. La commode avait noué une tradition qu'il ne pouvait enfreindre. Pendant 4 ans, avec le même cérémonial, il se montra le plus attentif et le plus généreux des gendres. Madame Choupeau-Landuit accueillait ses dons avec un pâle sourire. « Hélas, je me fais vieille, c'est peut-être la dernière fois. »« mais non !» assurait M. Loust, la bouche imperceptiblement contractée. Puis, Madame Choupeau-Landuit tomba malade. Une lueur passa dans les yeux de son gendre. La commode, à laquelle il ne cessait de penser, parut se rapprocher de lui. Cependant, contre toute prévision, la vieille dame guérit. « Un miracle, un vrai miracle !» se plaisait-elle à dire. Et les amis, soucieux de réconforter sa faiblesse, répétaient « Vous voilà parti pour un nouveau bail de 20 ans !» Ils exagéraient. Le Seigneur n'accorda que 4 ans à cette femme excellente. M. Loust lui sut gré de cette discrétion, pleura comme il convient, lui fit de belles funérailles, et les derniers devoirs rendus avec une déférence affectueuse, presque tendre, ouvrit le testament. Il admirait, à chaque paragraphe, la lucidité parfaite et l'équitable bonté de la défunte, louant son souci de reconnaître, par des dons et des legs appropriés, le dévouement des serviteurs et la sympathie des amis. « Vois, disait-il à sa femme, elle n'a oublié personne. Ses volontés seront exécutées pieusement. » Soudain, il se sentit pâlir, et malgré la gravité de l'heure, il étouffa mal un juron. « Qu'as-tu ? » gémit Madame Loust, en se mouchant. Il lui tendit la feuille, lui désigna quelques lignes de l'index, car la fureur le privait de l'usage de la parole, et elle lut. « Je désire qu'on donne au docteur Bigou, en souvenir de moi, et pour le remercier des soins dont il m'a entouré, ma commode Louis XV, qu'il trouvait jolie. » Tout à sa douleur, Madame Loust sanglota. « Elle était si bonne, elle ne pensait qu'à faire plaisir. »« Avec ma commode !» rugit M. Loust. Et il lui sembla que du haut du ciel, Madame Choupeau-Landuit, le face à main braqué sur le nez, le regardait avec un inexprimable sourire. C'était La Commode par Maurice Level.